Ladies and gentlemen. Oui, Tiscara, Monsieur Bill Bender, Dim, Philippe, écoute, yeah. Ouais, ma terre, man. Écoute. Ouais, ma terre, man, mère, la vie est un enterrement. On monte, mais on tombe dans le bas, ouais, le mal-être noir. Les mal-être s'engendrent, car plein d'ondes, à peine à plein temps. L'amour se ravine dans nos bleds, c'est rouge, parle pas de paix, putain. Tout irait mieux si on avait leur prénom. Ouais, mandat, mais sans pas place, que cette perte s'entend dans des préaux. Les morts, nous sommes près d'eux, la drogue, on a eu plus d'un. Bonjour à mes os, nous les mamans de 40, jouent encore au putain. Certains des miens mettent mes frères dans l'embarras. Mais dis-moi, c'est bien la Suisse qui me les a mis dans des baraques. Voilà comment elles s'en débarrassent. On vient d'en bas, ça on le sait, les chauves en profitent pour en faire un débat de race. La tolérance n'est pas là, comme la graille chez un Népalais. Et docteur, vas-y, va dire à mes uns que la vie n'est pas laide. Elle n'a pas l'air noire, t'as raison, la merde est parfumée. La chance, à coup de vent, la fait partir par la fenêtre, ouais. On désespère, et dans nos cœurs, le désert parle, on désire plus. Que le béton, d'autres ont droit à la place, j'ai à des palmes. On parlait de joie, man, moi j'ai pas la voix, je suis pas un héros. Mais les miens ont le cœur gros, comme celui de Balavoine. On apprend en encaissant les coups, j'en place une pour agrone. La vie c'est pas simple sans papier, sachant que les siens n'ont pas de graille. Putain, c'est pas drôle, j'aimerais avoir l'humour d'Gérard Junot. Qu'on se réconforte, bien-être, c'est fait rare chez nous. Moi je veux être ma colonie et plus d'immeubles du CSP. On s'y perd, sachant qu'on traite les siens comme des espèces. Moi je veux ma resta, les riches jouent aux pauvres au rasta. Ça aurait été simple si on s'appelait Alain et pas Roustem. En pleurs, on rouspète, on roule pas sur l'homme et sur des dettes. Bienvenue dans mon 12 où la douleur s'est roulée dans le bête. Perdu comme dans l'os, la peine est colossale. La vie c'est pas cool, mais sale quand la famille reste collée au sol. Je rêve volé, putain, mais j'ai pas les ailes. On se fait doser en douzaine. Qui nous sait, quelqu'un bout de ses têtes de ciel. J'aimerais bien voir certains face un char avec des cailloux et leur demander si les Arabes sont toujours des couillons. Dans un mirage, des erreurs d'arbitrage, la peine de nos archives, du métal dans les gorges passe. Tu riras la grimace, rien à deux pas, tchéo, âme, j'plane. Au-dessus des bouteilles de whisky, les vases sont dans une barre. Mon regard parle, évoque des douleurs cardiaques, cause de souffrance abdominale, masquée par un sourire narquois. Mon équipe marche la mort dans l'âme, la drogue de peinture camouflage. On m'arrive phrase qui est mauvaise passe, sachant que la guille nous rattrape pas. Je veux tout avoir en rêve à cendre, noyé dans la paperasse. En sens inverse, dans mes pensées, je trace mon chemin en cul de poisson. La liqueur dans mes potions, la fleur cultive ma patience, parfume ma respiration. Mobilise bêtement mes phalanges, malgré tout bienveillant. Je m'effrangine comme je peux de tous des ordres. Parce que je veux pas qu'on assimile les miennes à celles des autres. Les choses dans le plâtre, j'observe le monde du haut de ma crevasse. Reine paradisate, je contrôle l'anonymat. Vision écarlate, très jaunie, panorama grisâtre. La tristesse sur des buvards à la recherche des boules de cristal. Et je trouve du plomb dans les coquillages. Profil jonquillard, je rôde sur les boulevards. Je rage par terre, je risque les péages. À coup des comptes, des palissades, je traîne avec tout pas. Qu'un air marécageux, mon quartier lève la tête, mais rate la passe. Entre les messes basses, la plongée les dixièmes. Le moral sur une civière, j'ai vu l'amour manger le parquet. Frère de la solitude et du fils du concierge. J'ai le comportement de Casper, la carrure d'une asperge. Les plans d'un architecte, entre principe dans la corbeille. Parcours en ricochet, la haine inonde la pièce. La routine provoque l'urticaire. Je vois les soirées se dupliquer, les beaux jours se dissiper. Le brouillard se profiler à l'horizon, les promesses défiler. Je garde mes distances, j'écoute la discrétion. Dans le parc, une odeur d'excrément, un parfum de pollution. Quête de pôle, position loin des posters. Je vois la clé sous le paillasson, casse la fenêtre. Parce que la paresse me traverse, les marteaux au réveil et les sirènes en perceuse. La nostalgie des autos tamponneuses, le poids dans les valseuses. J'ai des bâtons dans les roues, un opinel dans les roses, un pot de béton dans les roues, un cœur entouré de ronces, une clope et la voix rauque. Du sang dans ma capuche et un foie de rocker. Sweet peepers comme arôme, moi je vais pas tenir diplôme. Des caries sur le dentier, sur le carreau avec un diplôme. Mon quartier smoke et croche, l'esprit obscur. Mes bras mecs s'en battent de la salle de muscu. On graille la merde, tu mets des pattes. La rue nous chante la berceuse, c'est dans mes pensées s'en mêlent. Et je pense à personne, la perceuse sur ta tempe. J'ai pas attendre 10 ans pour faire du genre. Je suis sur la pente glissante, je perds du temps en 10 ans. Ça ira mieux main d'eux. Parle pas de compte en Suisse, y'a même pas de place dans la main d'eux. On se perd, rêve qu'on perd son steak quand la daronne chiale. L'âge de gosse une femme et pas une seule larme. Je bois et barre toi, mon butin dans l'armoire. On a des verres chargés comme nos ardoises. Triste regard narquois, on navigue à la dérive. Les patriches sont dans la if et les blédards rêvent du pays. L'amertume jusqu'à l'os, c'est pour les nôtres, oublie les autres. Du sable dans l'inté et des parcours bourrés de fautes. Du popo dans les shoes, la paresse nous parraine. Je kifferais bien être heureux sur la tête de ma tête. Les parents tous s'enchaînent. haine et la vaisselle s'entasse. L'amour sans le das, je traquais de club dans le standard. Mon pote, on est dans le spleen, l'esprit dans le sombre. À l'approche la fin du mois, on s'en bat de la fin dans le monde. Moi j'ai coulé dans l'alcool et souvent stoppé la school. Mis sur mi, diplôme en poche et pas de laisse autour du cou. On a le bonjour du 12, entre malchance et fou rire. Plus bédo que jeto et plus de pauvres que de touristes. Moi je brûle vos étiquettes et dans le bar je pillard. Pas de marée, marécage, Red Bull et Chivas. Marécage, street.